Time to Star Production. Yes, I. K1. Saphir. Si. Small places, big yeah. Press up. Yeah, elle a mon son pète et mon album se troque. Elle a un son trop frais qui sort du Maroc. Je rappe comme un félin rugit comme l'Arabian Spanter. Je rappe comme un gueule d'impron, un son élémentaire. Hey, en mode couscous, qui se sont couscous, ça vous fait bouger tous. Saphir au micro, c'est normal, t'affole pas. Les missions sont télé, t'inquiète, elle raffole de ça. Un son trop frais, so fresh et qui nuit. Saphir, ça fait de l'effet jusqu'au bout de la nuit. Aussi dangereux qu'un verre de Sky, fils. Aussi dangereux que ce qui entoure le monde, le vice. Oh la lady, tu me kiffes, c'est réciproque. Le style a bien évolué, ce depuis l'époque. Sur la ligne de départ, je suis déjà parti et ta prod y reste. C'est pour ça qu'on dit y'a que les chiens qui mangent les restes. We make it hot in the house. Let me keep it bouncing the house, nobody can know. Hot in the house. Show, show, show, show, they gotta stay low. We make it hot in the house. Let me keep it bouncing the house, nobody can know. Hot in the house. Show, show, show, show, they gotta stay low. Yeah. Me pose tranquille sur le tempo. Mon gars qui se sent, je te le dis, texto. Miss Move une gale, bouge le bas du dos. Délicat, serre nous tuons, ça c'est un message perso. Quintessence, mon son esquette l'essence. Mec veut que j'y pense, c'est putain de son qu'il faut en transe. Hey, laisse-toi aller, Night of Saphir mon gars. C'est ça qui fait kiffer. Tu oses dire que Saphir ça le fait pas. Tu oses dire mon frère que tu ne m'aimes pas. Pourtant je t'entends, tu fredonnes ce refrain. C'est la nouvelle dans mon frère et t'inquiète qu'on a faim. L'euphorie domine, le rap c'est mon domaine man. Nous avec le micro on grand comme des Doberman. Tu veux me test? Vas-y man. Viens, Saphir détient le son qui défourra. We make it hot in the house. Let me keep it bouncing the house, nobody can know. Hot in the house. Show, show, show, show, they gotta stay low. We blow. Make it hot in the house. Let me keep it bouncing the house, nobody can know. Hot in the house. Show, show, show, show, they gotta stay low, low. Come lyrical renegade, nobody can stop. Keep burning, burning up. Deep is the years old. No stress for the money, even sink of the money. Not a guy in the club, just sing for the money. Got the vibes on the flow, got the vibes on the flow. Can't play with a verse, nobody can know. Can't want, want, so scandalous. Represent, jacking out, so dangerous. Say one, mama, see that this is to my Delina. Give it a song, way the reason to come my in. One, mama, see that this is to my Delina. Give it a song, way the reason to come my in. We hot in the house. Let me keep it bouncing the house, nobody can know. Hot in the house. Show, show, show, show, they gotta stay low. We blow. We hot in the house. Let me keep it bouncing the house, nobody can know. Hot in the house. Show, show, show, show, they gotta stay low, low. Emotional.